Et si c'était le moment de retrouver le chemin de la confiance et de l'optimisme? Dans le livre « La confiance en soi », Charles Pépin nous donne les moyens de passer à l'action. De la philosophie antique à Madonna, de la psychanalyse à Serena Williams, l'auteur fait de la philosophie une force de vie quotidienne. Cultivez à votre tour la joie et l'audace. « La confiance en soi » de Charles Pépin est disponible en librairie, aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Il est 10h sur France Culture et à 10h, nous rejoignons Adèle Vendrette sur les chemins de la philosophie. Bonjour Adèle. Bonjour Xavier, l'homme révolté d'Albert Camus ce matin depuis le château de Lourmarin. C'est parti. J'attends avec patience une catastrophe lente à venir, écrit Albert Camus dans ses carnets quelques jours après la parution de l'homme révolté en 1951. Et la catastrophe aura lieu. En mai 1952, le compte-rendu de l'homme révolté paraît dans les temps modernes, sous la plume de Francis Janson, à la demande de Jean-Paul Sartre. Le texte est cinglant et la brouille entre les deux philosophes définitive. Alors qu'est-ce qui, dans ce texte, l'homme révolté, justifie une telle mise en procès de cet essai et d'Albert Camus en personne? Nous menons l'enquête ce matin depuis le château de Lourmarin, dans cette ville que Camus adorait, où il achète une maison en novembre 1958 et où France Culture a installé ses micros jusqu'à dimanche. La parole est à Albert Camus. La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses. Et j'ai essayé de tirer, en effet, de la révolte, les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. Et une fois n'est pas coutume, je commencerai en saluant le public de Lourmarin venu assister à cette émission. Bonjour à vous. Et merci de nous accueillir ce matin et tout ce week-end. Je le rappelle, France Culture a posé ses micros le temps du festival estival autour d'Albert Camus. Il y aura beaucoup d'émissions qui auront lieu ici même et le cadre est absolument sublime. On entend même l'église qui sonne les 10 heures. Bonjour à vous, Marilyn Maezo. Bonjour, Adèle Vendrette. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin ici. Vous êtes professeure de philosophie dans le secondaire, autrice. Et même si c'est un cliché, je crois qu'il n'est pas exagéré de dire qu'Albert Camus a changé votre vie. Oui, littéralement. Est-ce que vous voulez en dire plus ou on garde ça pour après? Je l'ai déjà raconté. J'ai rencontré Camus en lisant la première page du mythe de Sisyphe, qui commence par cette phrase célèbre. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Il se trouve que le suicide me hantait à l'époque et ça m'a permis de comprendre que c'était pas juste un problème qui me concernait, que ça n'était pas un problème ineffable, qu'on pouvait mettre des mots dessus, que c'était un problème philosophique, donc ça concernait l'humanité dans son entièreté. Et à partir de là, j'ai jamais quitté Camus. Et là, on est au cœur de ce que Camus essaye de montrer, que la philosophie ne se situe pas dans le ciel des abstractions, mais part toujours du vécu, n'est-ce pas? La philosophie se vit avant de se penser. Et dans l'archive que nous venons d'entendre, c'est une archive du 19 septembre 1955, Camus explique qu'il a essayé de séparer la révolte, on va revenir sur ce terme, puisque nous parlons de l'homme révolté, le livre ce matin, d'une attitude nihiliste, dit-il, qui vise la destruction. Pourquoi cette distinction est-elle importante? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Camus songe à la révolte et la révolte lui pose un problème, tout en s'imposant à lui comme une évidence, bien avant l'écriture de l'homme révolté. Dès 1939, dans ses carnets, on trouve une note où il dit qu'il a besoin de trouver un fondement à sa révolte. Donc il est déjà révolté, si vous voulez, la révolte est déjà là. Et tout le travail qu'il va mener pendant les années qui vont suivre, pendant plus de 10 ans, va consister à essayer de trouver un fondement théorique et en même temps pratique à la révolte. Alors pourquoi faut-il la distinguer ou la séparer du nihilisme? Ou plutôt, pourrait-on dire, la sauver du nihilisme? Parce que c'est un vrai risque, c'est pas juste une réflexion intellectuelle. Parce que, et le début de l'homme révolté en témoigne, quand on pense révolte, on pense non, on pense renversement d'un ordre, et donc potentiellement, et même nécessairement, destruction. Mmh. Et de ce point de vue-là, le nihilisme est forcément le spectre qui hante la révolte, ou qui la menace, parce que à partir du moment où on fait œuvre de destruction, la possibilité de ne jamais s'arrêter est réelle. Dès lors qu'on justifie de détruire, dès lors qu'on justifie de tuer, dès lors qu'on fabrique une idéologie qui donne ses raisons à la violence meurtrière, qui pourra dire où le point final se mettra, si vous voulez. Et c'est cette fuite en avant typique du nihilisme que Camus met en évidence et contre laquelle il essaye de penser. C'est-à-dire qu'il s'agit de se révolter, mais sans aboutir à une forme de destruction. Cette révolte est un non, comme on pourrait le caractériser, un non mesuré, un non retenu, en tout cas un non non destructeur, c'est ça ? C'est un non, j'ai envie de dire, vigilant. C'est un terme que j'affectionne et je trouve qu'il correspond bien à la pensée de Camus. C'est un non vigilant parce que c'est un non qui est à la fois conscient de sa nécessité et de sa responsabilité. C'est un non qui ne doit pas être un blanc-seing pour faire n'importe quoi et autoriser surtout n'importe quel type de crime. Ce que Camus veut démontrer au début de L'homme révolté, et c'est finalement tout l'enjeu de son essai, c'est que la révolte, évidemment, c'est un non, mais avant d'être un non, c'est un oui. Et c'est un oui, c'est-à-dire que l'homme révolté, pour ne pas justement sombrer dans la dérive nihiliste, doit se rappeler, doit songer que avant de se révolter, la raison pour laquelle il se révolte, même s'il n'en a pas conscience au moment où il est en colère et où il veut détruire, c'est parce qu'il veut protéger quelque chose. On veut détruire, mais détruire pour préserver quelque chose. La destruction ne doit jamais être une fin en soi, ce qui est la définition du nihilisme. La destruction doit être toujours un dernier recours, de manière à protéger quelque chose qui, sans cela, serait détruit. Alors soyons concrets, contre quoi faut-il ou Camus se révolte-t-il et qu'est-ce qu'il s'agit de préserver ? Il explique au début de L'homme révolté, il dit qu'est-ce qu'un homme révolté ? C'est un homme qui dit non, mais s'il refuse, il ne renonce pas, c'est comme ça que ça commence. Et il explique ce qu'il entend par là en prenant un exemple concret. Comme toujours chez Camus, il part de l'expérience, il prend l'exemple du maître et de l'esclave. Attention à rien à voir avec la dialectique hegélienne, c'est pas du tout la même logique, ni les mêmes conclusions, et ni les mêmes figures. L'esclave camusien n'a rien à voir avec l'esclave hegélien. Il explique, l'esclave subit, l'esclave se soumet, et puis il y a un jour un ordre, qui est l'ordre de trop et auquel il dit non. Et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'esclave ? Explique Camus, ce qui se passe, c'est que l'esclave prend conscience de l'existence d'une dignité qu'il a en commun avec le maître et qui, du coup, ne justifie pas que là où le maître est respecté, lui ne l'est pas. Ce qui ne justifie pas que l'esclave soit traité en esclave et le maître en maître, alors que les deux ont une humanité en commun. Et donc, la prise de conscience de cette dignité, Camus appelle la communauté des hommes, cette prise de conscience implique, qui est donc ce que la révolte veut défendre, implique justement une forme de réciprocité et d'unité entre le maître et l'esclave. Unité qui est certes niée par le maître, mais que l'esclave veut rétablir. À partir du moment où on a posé ça, surgit ce que Camus appelle la contradiction ou le dilemme finalement de l'homme révolté, à savoir qu'il y a deux choses qui s'imposent à lui et qui sont contradictoires. La première, c'est que le maître veut dominer et le maître nie l'humanité de l'esclave. Donc le maître doit être abattu de son piédestal. On doit supprimer la domination, sans quoi la dignité humaine, si vous voulez, est niée. Parce que quand elle est niée pour l'un, elle est forcément niée pour l'autre. C'est le principe de la communauté. Donc, il faut se révolter, et ça implique le recours à la violence, si vous voulez. C'est le principe, vous avez un ennemi violent, si vous choisissez la non-violence, en fait, vous pactisez avec la violence, parce que vous laissez des innocents mourir. Donc, il faut consentir à la violence pour justement mettre un terme à cette négation de la dignité humaine, mais en même temps, le fait de prendre conscience de la dignité humaine comme ce qui rassemble l'ensemble des hommes, ça interdit le meurtre. Parce que on a en commun une dignité qui implique qu'on ne puisse pas tuer, qu'on ne puisse pas dominer, on doit à la fois consentir au meurtre pour supprimer justement un ordre qui est fondé sur la domination, et en même temps le meurtre est injustifiable. Alors pour essayer de lire ensemble ce livre et de mesurer les effets, les conséquences qu'il a pu avoir dans la pensée de Camus, dans l'histoire de la philosophie et encore aujourd'hui, car ça reste un prisme très efficace pour comprendre beaucoup de mécanismes contemporains de révolte et de soumission, je vous propose qu'on fonctionne à l'envers et qu'on écoute d'abord les objections qu'on a pu faire à Camus, et puis vous serez aujourd'hui, si vous l'acceptez, Marilyn Maizeau, l'avocate d'Albert Camus. Voici Francis Janson. Sartre m'a pratiquement obligé à écrire un article sur le livre de Camus, étant donné que personne dans notre équipe, au temps moderne, ne voulait le faire. Mais enfin, à vrai dire, mon principal reproche, c'est qu'il accumulait au profit d'une thèse qui, après tout, pouvait se soutenir, parce que nous en connaissions aussi un bout sur ce qui se passait à l'Union soviétique, et nous avions nos critiques propres, mais il accumulait au profit de cette thèse des arguments philosophesques qui étaient vraiment inacceptables. Je veux dire, c'était de la philosophie de deuxième ou de troisième main, ça ne tenait pas debout, Et bon, et puis alors, il y avait cette espèce de d'irénisme, de goût pour la paix méditerranéenne, pour le soleil sur Tipaza, etc. Qui, moi, ça me charme, mais enfin, il faut pas non plus essayer de tout résoudre de cette manière-là. Quelles sont les relations maintenant avec votre ex-frère Jean-Paul Sartre? Ce sont d'excellentes relations, monsieur, puisque les meilleures relations sont celles où l'on ne se voit pas. Ceci dit, on a beaucoup exagéré en France d'ailleurs, et peut-être aussi à l'étranger, le différent qui nous a opposés. C'était un différent surtout idéologique qui nous a permis à l'un et à l'autre d'affirmer des positions qui sont naturellement, selon moi, également respectables, n'est-ce pas ? Mais parfaitement opposées. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous sommes en direct depuis le château de Lourmarin ce matin, où France Culture a posé ses micros le temps du week-end jusqu'à dimanche, à l'occasion du festival estival autour de l'homme révolté d'Albert Camus. Et vous venez d'entendre tour à tour la voix de Francis Janson, qui a donc proposé une recension de l'homme révolté dans les temps modernes à la demande de Sartre en 52. Et puis, le vent est en train de faire s'envoler tous les micros. Mais nous tenons bon. Et puis la voix de Camus qui explique qu'il n'est pas en termes parfaits avec Sartre puisqu'il ne se parle plus. Marlene Maezo, que pensez-vous des arguments que Janson emploie ? Donc Camus est un philosophe de seconde main. Il lui reproche son irénisme et c'est un comble, son goût pour le soleil, c'est quand même pas très sérieux. Bon, déjà, de toute façon, l'intervention, on ne va pas se mentir, n'est pas très sérieuse. Commencer de manière assez puérile en disant « c'est Sartre qui m'a forcé », on l'a forcé à lire un livre, si vous voulez, c'est pas très... C'est tenté qu'il l'ait lu. Voilà, alors lire, il y a lire et lire, si vous voulez. Il l'a lu en diagonale et c'est assez évident quand on voit justement ce qu'il en retient. Premièrement, l'accusation de proposer des arguments qui relèvent de la philosophie de seconde ou de troisième main, c'est assez cocasse quand justement vous-même, vous n'avez lu le livre que vous commentez qu'en diagonale. Deuxièmement, la même objection avait été faite par Aron à la fois à Sartre et à Camus. Aron avait souligné les erreurs ou les approximations concernant les œuvres de Marx et de Hegel, mais il dit que Sartre et Janson ont mauvais jeu de reprocher ça à Camus parce que de leur côté ça n'est guère mieux. Donc bon, c'est pas vraiment ça, si vous voulez, le fond du problème. En revanche, l'accusation d'irénisme, hein, c'est ce qu'on trouve au cœur hein, de la recension de Janson. Il repeint Camus en belle âme, en marge de l'histoire, qui est trop pure pour se salir les mains. C'est une accusation qui est récurrente. Camus y a répondu de manière absolument limpide à plusieurs reprises. Mais elle tient encore aujourd'hui. C'est encore elle un tient argument encore qu'on aujourd'hui entend. Et aujourd'hui encore, pour la même raison, je cite et je vous engage à lire ou à relire sa première réponse à Emmanuel Dacier de La Vigerie, où justement il dit je ne suis pas non-violent et je n'ai jamais défendu la non-violence. C'est une position qu'on me prête pour les besoins de la polémique. Je cite, il dit ça exactement. Donc il a très bien compris le petit manège qui se joue à ce niveau-là. Ce qu'il explique, c'est que les gens qui m'accusent en fait d'être pour l'irénisme, béat, pour la non-violence, ne comprennent pas que mon problème n'a jamais été la violence. Les années d'occupation et de guerre m'ont appris qu'elle était parfois inévitable. Mon problème, c'est la violence confortable. Mon problème, c'est la violence qui se donne des raisons idéologiques pour dormir tranquille la nuit, pour avoir bonne conscience, et qui de ce fait est d'autant plus meurtrière que lorsqu'on considère qu'on est dans le vrai, on s'autorise tout. C'est, si vous voulez, on peut pas faire plus limpide. Donc, continuer après ça à lui prêter une position de non-violent, c'est de la pure mauvaise foi. Qu'est-ce que ce serait la violence confortable aujourd'hui? La violence confortable, alors Camus l'a décrit très bien. Elle dit, j'ai horreur de ceux dont les paroles vont plus loin que les actes. Coucou Sartre. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Et je ne m'arrêterai de mépriser quelques-uns de nos grands esprits que quand ils tiendront eux-mêmes les fusils de l'exécution. Fin de citation. Ça veut dire que la violence confortable, c'est la violence de celui qui, parce que justement, il est intégralement dans une logique de justification idéologique, mais loin de la violence réelle, si vous voulez, il n'a pas conscience de ce que c'est. C'est beaucoup plus facile, en fait, de justifier la mise à mort d'un individu quand ça n'est pas vous qui devez tirer sur la gâchette et qui voyez dans ses yeux la peur et l'humanité, en fait. Et ça me fait penser à un texte en particulier, hein, désolé, j'ai l'impression que je m'acharne sur Sartre, mais le fait est que ça l'illustre. C'est un texte qui, du coup, donne raison à Camus 10 ans plus tard, puisqu'il date de 61. C'est sa préface aux Années de la Terre de Frantz Fanon, dans lequel Sartre dit ceci. Tuer un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups. Supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Si vous lisez cette phrase, c'est une équation qu'il est en train d'énoncer. Une abstraction. Et c'est facile, en fait, de dire ça, de parler d'un Européen, de parler d'un opprimé, d'un oppresseur. C'est beaucoup plus difficile de voir des individus de chair, votre meilleur ami, votre mère, comme dirait Camus un peu plus tard au moment de la guerre d'Algérie, et de voir à ce moment-là, si vous voulez, tirer sur la gâchette. Et c'est ce qu'illustre ce que Camus disait dans un autre texte qui s'intitule Le témoin de la liberté, et qu'il disait avant, en 46, dans la crise de l'homme, à savoir que l'Europe, enfin, souffre de meurtre et d'abstraction. Mon opinion est qu'il s'agit de la même maladie. Le meurtre et l'abstraction. L'abstraction est une forme de meurtre. Oui, en fait, le meurtre et l'abstraction sont une même maladie. Ça veut dire qu'il y a une communauté entre les deux, au sens où l'abstraction est ce qui facilite le meurtre. Quand on est dans l'abstraction, si vous voulez, c'est un petit peu comme quand vous mettez votre main dans l'eau froide trop longtemps. Oui. Ensuite, vous ne sentez plus ce qui se passe. Il y a une forme d'anesthésie, en fait, qui se produit grâce à l'abstraction. C'est vrai qu'un Européen, un oppresseur, un opprimé, un Juif, un Arabe, tout ce que vous voulez, ce sont des catégories abstraites, en fait. C'est pas du tout la même chose de penser en termes de catégories abstraites et donc de faire des raisonnements comme ça, hors sol, qui débouchent sur la justification du meurtre, et d'être face à un peloton d'exécution, un fusil dans la main, face à la personne que vous devez tuer et appuyer sur la gâchette. Est-ce que les polémiques très violentes qui ont lieu sur les réseaux sociaux aujourd'hui relèvent de la catégorie nommée par Camus de la violence confortable ? Alors oui, sachant que c'est pas du tout un plaquage arbitraire ou artificiel de l'œuvre de Camus sur quelque chose qu'il n'a pas connu. Camus lui-même fait un lien direct entre la polémique et la violence physique, pas au sens où il les met sur le même plan, mais au sens où il y a une continuité entre les deux. Si vous voulez, quand on commence à s'autoriser à déshumaniser les autres à coup d'abstraction, comme on le fait aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux, ce que facilite l'écran, vous ne parlez pas à une personne, vous ne voyez pas l'effet direct de vos paroles sur elle, vous parlez à un écran. Et puis, vous ne voyez pas non plus que vous êtes peut-être 10, 100, 1000 à vous y mettre ensemble pour l'insulter, pour la menacer, pour tordre ses propos. C'est la logique de la polémique. Et justement, c'est cette abstraction qui rend possible les choses. Et je prendrai un exemple concret justement pour illustrer pour répondre à la question. Oui. Lorsqu'on voit ce qui est en train d'arriver de plus en plus, les procès qui ont lieu suite à du cyberharcèlement ou à des menaces proférées sur Internet. Ce moment, si vous voulez, où le troll réalise qu'en fait l'anonymat n'existe pas sur Internet et que quand il dit des choses qui tombent sous le coup de la loi depuis son ordinateur, il peut être ensuite poursuivi dans la vie réelle, comme on dit. Ce qui est intéressant, ce qui est fascinant, c'est de voir le décalage abyssal entre le personnage que le troll incarne sur Internet, la violence, la désinhibition, l'absence de limite, justement, pour parler en termes camusiens, et le petit être fragile, contrit, qui regarde ses chaussures, qui est tout rouge, qui a peur, lorsqu'il se retrouve au tribunal. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'illustration contemporaine parfaite de la différence entre le réel et l'abstraction. Et rassurez-moi, quand on a la radio, c'est pas de l'abstraction, parce qu'on entend la voix, il n'y a pas d'écran. Non, c'est vrai, mais en même temps, la voix est très concrète. Donc ça va. Ça va, c'est pas pareil qu'un tweet par exemple. De toute façon, là on voit le visage du public, heureusement, et ça va, il est encore là, même si le soleil tape fort, c'est le soleil de midi dont on parlera, la pensée de midi de Camus, ça c'est la fin de l'homme révolté. Avant ça, je vous propose, d'ouvrir l'homme révolté, le livre, qu'on en lise un passage, qu'on en entende un passage lu par le comédien Bernard Gabay, et puis que vous le commentiez, Marilyn Maezo. C'est un passage qu'on pourrait appeler, disons, c'est une sorte de cogito cartésien, vous savez, Descartes dit « je pense, donc je suis », ce qui fonde toute une histoire de la philosophie. Camus, lui, va substituer une autre formule à celle-ci, il va dire « je me révolte, donc nous sommes ». Écoutez le texte. « La solidarité des hommes se fonde sur le mouvement de révolte, et celui-ci, à son tour, ne trouve de justification que dans cette complicité. Toute révolte qui s'autorise à nier ou à détruire cette solidarité perd du même coup le nom de révolte et coïncide en réalité avec un consentement meurtrier. En suivant la révolte dans ses œuvres et dans ses actes, nous aurons à dire chaque fois si elle reste fidèle à sa noblesse première ou si, par lassitude et folie, elle l'oublie au contraire dans une ivresse de tyrannie ou de servitude. En attendant, voici le premier progrès que l'esprit de révolte fait faire à une réflexion d'abord pénétré de l'absurdité et de l'apparente stérilité du monde. Dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. À partir du mouvement de révolte, elle a conscience d'être collective. Elle est l'aventure de tous. Le premier progrès d'un esprit saisi d'étrangeté est donc de reconnaître qu'il partage cette étrangeté avec tous les hommes et que la réalité humaine, dans sa totalité, souffre de cette distance par rapport à soi et au monde. Le mal qui éprouvait un seul homme devient peste collective. dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. Elle est la première évidence. Mais cette évidence tire l'individu de sa solitude. Elle est un lieu commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, donc nous sommes. Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement et jugé dans la solitude. Surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Cela explique d'ailleurs la plupart des engagements d'écrivains. Le mariage, l'académie, la politique. Ces arrangements d'ailleurs n'arrangent rien. On n'a pas plutôt perdu la solitude qu'on se prend à la regretter. On voudrait avoir en même temps les pantoufles et le grand amour. Les académiciens tiennent absolument à être non-conformistes. Et les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place, mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien du tout. Comment passer de la solitude à la solidarité? C'est la question que pose le texte « L'homme révolté » et l'extrait que nous avons entendu, c'est la question que Camus formule dans cette archive géniale de 1959. Faut-il, on veut à la fois les pantoufles et le grand amour, la solitude de l'écrivain mais le réconfort de la communauté. C'est sans doute insoluble, c'est en tout cas philosophiquement très fort, parce que c'est là que se joue le passage, encore une fois, de la solitude à la solidarité. C'est ce que dit la formule Marilyn Maeso, « Je me révolte, donc » Nous sommes. Il y a un lien entre la solitude du je et la collectivité du nous. Vous avez eu les mots justes, hein, c'est philosophiquement fort, ce qui du coup continue de répondre à l'objection de Janson. Pour retirer si peu de l'homme révolté quand on lit justement ce texte et quand on a lu en particulier la première partie qui avait déjà été publiée en 45, hein, donc c'est quand même un texte sur lequel il travaille depuis longtemps, on se rend compte que philosophiquement, Sartre, Janson sont passés à côté de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se joue dans ce texte? Pour le comprendre, il faut connaître un petit peu l'œuvre de Descartes. On va en dire deux mots, juste ce qui est nécessaire pour comprendre ce que fait Camus dans ce passage. Pour rappel, lorsque Descartes entreprend de révoquer en doute l'ensemble de l'édifice des savoirs, après s'être rendu compte que il y avait des choses qu'on lui avait apprises quand il était jeune, comme des vérités qui sont en réalité avérées être des mensonges ou des mystifications, il décide de faire le grand ménage et de vérifier s'il se trouve dans l'ensemble de ses connaissances ou de ses certitudes, ne serait-ce qu'une seule chose, un point d'Archimède, expression que reprend Camus, qui ne puisse pas être révoqué en doute et qui donc pourrait constituer cette fois un fondement solide, indubitable pour la connaissance. Ce que dit Descartes immédiatement dans le discours de la méthode, c'est que ce qu'il est en train de faire dans le domaine théorique, avec l'édifice des savoirs, ne peut pas être fait dans le domaine pratique. Descartes lucide dit, dans le domaine théorique, si vous voulez, on a le temps de la réflexion. Je peux, moi, en 6 méditations, confortablement installé dans mon poêle, prendre le temps justement de tout détruire pour ensuite reconstruire. En revanche, le problème du domaine pratique, c'est que c'est le domaine de l'action, c'est le domaine de l'urgence, et on ne peut pas agir, on ne peut même pas vivre si on n'a pas au moins un minimum de principe d'action, si vous voulez. Donc, moralité pour Descartes, ne faites jamais ça dans le domaine pratique. Le problème, c'est que fait Camus ? Camus fait exactement ça dans le domaine pratique. Il transpose le geste de Descartes dans le domaine pratique. Il ne le fait pas par masochisme ou par inconscience. Il le fait parce que, j'ai envie de dire, ce geste s'est fait à sa place. On a à l'époque qui a succombé au nihilisme, donc qui justement a révoqué en doute l'ensemble des croyances qui concernent la morale, qui concernent l'art, qui concernent la politique, qui concernent tout. Dans le domaine pratique. Et donc, on se retrouve face à une sorte de table rase qui ressemble plus à un champ de ruines. Et maintenant, il faut retrouver une règle d'action. Comment on se révolte, en fait, quand on n'a même plus de règle d'action, si vous voulez? Qu'est-ce qui pourra distinguer le fou furieux qui va tuer tout le monde aveuglément d'un homme révolté qui reste fidèle à l'esprit qui a guidé sa révolte? C'est ça la question que pose Camus. Mmh. Et donc, dans l'homme révolté, dans le début de l'homme révolté, la première partie, l'introduction est la première partie. Ce qu'il fait, c'est de repartir lui-même là où il s'était arrêté. Là où il s'était arrêté, c'est-à-dire avec son précédent essai, le mythe de Sisyphe, en 42, qui aboutit à une première certitude absolument centrale, hein, qui est la prise de conscience que le suicide n'est pas une voie viable. En fait, le suicide n'est pas du tout la conséquence logique de l'expérience absurde, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on a l'impression justement que La vie ne valant pas la peine d'être vécue, autant y mettre un terme. Donc, premier acquis et seul acquis central du mythe de Sisyphe, c'est de renoncer au suicide. Le problème, dit Camus, c'est que dans le mythe de Sisyphe, l'individu est face à lui-même. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe est seul, en fait, à pousser son rocher. Et donc, une fois qu'on a balayé, si vous voulez, le suicide, reste que la question du meurtre et donc la réintroduction de la collectivité, puisque le meurtre, c'est forcément une personne, au moins une personne avec une autre. Elle n'est pas du tout résolue, si vous voulez. Le mythe de Sisyphe ne permet pas de trancher la question de la légitimité ou de l'illégitimité du meurtre. Mais je me permets juste, pour bien comprendre ce que vous venez de dire, Marilyn Maezo, parce que c'est crucial pour comprendre ce que Camus dit dans L'homme révolté, de préciser ce qu'il entend par l'absurde, parce que dans le mythe de Sisyphe, c'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, même si c'est plus compliqué que ça, le premier pan de sa pensée, la période de l'absurde. Et vous avez dit, pourquoi est-ce que le suicide est un problème qui se pose et peut paraître une solution envisageable? C'est parce que le principe même de l'absurde, selon Camus, c'est de dire que ce monde dans lequel je vis m'est absolument indifférent, qu'il n'a rien d'aimable, et pourtant, je peux rester en vie et peut-être même l'aimer malgré tout. Mais le constat selon lequel rien ne fait sens, je n'ai pas demandé à naître, mais je suis là quand même, le monde n'est pas aimable, pourrait logiquement conduire à l'anéantissement de ma propre personne, puisque rien ne justifie ma vie. Et dans le mythe de Sisyphe, justement, Camus montre que non, même malgré l'absence de raison totale de rester en vie, nous pouvons et nous devons rester en vie. Et c'est là où il y a déjà un premier dépassement de l'absurde, et la révolte constitue un second volet. Voilà. C'est lorsqu'il dit que le fait même d'avancer sur la montagne, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. C'est le sens de cette formule. Et donc on arrive dans le vif du sujet du meurtre avec l'homme révolté et l'équivalent en fait de ce qui se passe avec Descartes. C'est pour ça que je dis que la fraternité ou les liens entre les deux sont pas du tout artificiels. Descartes, souvenez-vous, à la fin de la deuxième méditation, il a démontré quoi? Il a démontré qu'il existe et il est une chose qui pense. Et maintenant, il fait quoi, si vous voulez? C'est le fameux écueil du solipsisme qui a été évoqué dans l'histoire de la philosophie. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a démontré qu'on existait? On est tout seul, le monde n'existe pas, autrui n'existe pas. Mon corps même n'existe pas, en tout cas n'est pas certain. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Descartes, lui, se tourne vers l'existence de Dieu pour reconstruire une altérité. Camus, justement, à une époque où l'existence de Dieu, si vous voulez, ne constitue plus, en tout cas pour lui et pour un certain nombre de personnes, une issue ou en tout cas une certitude, il trouve un autre point d'Archimède qui est ce qu'il appelle la communauté des hommes. Et le fameux cogito camusien « je me révolte donc nous sommes », c'est pas, si vous voulez, un simple jeu de mots pour reprendre la formule cartésienne. Faut vraiment l'analyser, cette formule « je me révolte donc nous sommes ». Ça veut dire, à l'instant où moi, en tant qu'individu, je me révolte, je dis non, je dis forcément non pour défendre quelque chose qui ne m'appartient pas qu'à moi. Je dis non au nom de la dignité humaine, c'est-à-dire au nom de ce qui me réunit, ce qui me rassemble avec l'ensemble des autres hommes, peu importe nos différends. Donc ça veut littéralement dire, à l'instant où je me révolte, je fais exister la communauté des hommes. Je me révolte, donc nous sommes. Mais le lien paraît pas évident. Comment la révolte elle-même peut-elle créer une communauté? Parce que... C'est ça, le début du texte, si vous voulez, c'est général en fait. C'est ensuite qu'il précise de manière concrète comment ça peut se produire. Pour répondre à votre question, j'ai envie d'être fidèle à Camus, c'est-à-dire rappeler d'où vient la révolte. Camus n'a pas réfléchi à tout ça de manière abstraite. La révolte, comme ça a été indiqué, il y songe depuis 1939. Le livre lui-même, il l'a travaillé au moins à partir de 1942. En tout cas, la question de la révolte. Et tout ça, ça lui vient d'une expérience. Ça lui vient de l'expérience de la résistance. Ce que Camus a réalisé en fait avec la résistance, c'est que lui-même qui se croyait isolé, lui-même qui se croyait seul, s'est retrouvé d'un seul coup face à une adversité qui le menaçait lui et qui menaçait l'ensemble de l'humanité, dans l'obligation à la fois de prendre conscience de la responsabilité qu'il avait vis-à-vis des autres comme vis-à-vis de lui-même et de réaliser que la solitude n'est jamais absolue en fait. C'est ce qu'il explique quand il dit que il y a un lien en fait entre la solitude et la solidarité, parce que la solitude justement c'est ce qui fait la communauté des hommes. Nous sommes tous décisifs. On est peut-être seuls si vous voulez face au rocher. Décisifs en oui, deux pardon, mots. En deux mots. Mais décisifs aussi. Voilà, décisifs aussi. Paradoxalement, la solitude même, si vous voulez, constitue une communauté, un point commun entre l'ensemble des hommes. Et dans la résistance, ce qui se passe, c'est pas l'abolition de la solitude, c'est la mise en commun justement des solitudes et des individualités au nom de quelque chose, au nom d'un combat qui rassemble. Pour moi, c'est pas du tout abstrait en fait de dire ça. Surtout quand on est face à un combat aussi essentiel où la question c'est la vie ou la mort quoi. Quand votre ennemi c'est le nazisme par exemple, ce qui est le cas au moment de la résistance, la question de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec un tel sur le plan politique ne se pose plus vraiment. La question c'est est-ce qu'on va survivre ensemble ou est-ce qu'on va mourir ensemble. Et c'est pour ça que la question se pose de savoir pourquoi la révolte serait-elle une option à privilégier davantage que la révolution, parce que quand même pour rappeler qu'on est en 1952, que donc on est après la Seconde Guerre mondiale, que le contexte dans l'Union soviétique a quelque chose pour le coup de très problématique, même si non, enfin pas vraiment dit à l'époque. En tout cas, les intellectuels français se divisent à ce sujet, et Albert Camus décide d'affronter cette distinction et ce choix qui, selon lui, n'en est pas un parce que l'option s'impose d'elle-même entre révolte et révolution, notamment dans sa pièce qui s'appelle Les Justes, qui paraît en 1949. Et je vous propose qu'on écoute un extrait parce que ça nous permettra de distinguer, et c'est fondamental, la révolte dont nous parlons ce matin de la révolution. Souviens-toi seulement de ceci. Il s'agit de savoir si tout à l'heure nous lancerons des bombes contre ces deux enfants. Oh, des enfants, vous n'avez que ce mot à la bouche. Mais ne comprenez-vous donc rien ? Parce que Yannick n'a pas tué ces deux-là, des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim ? Moi, oui. La mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les deux chiens savants du grand-duc. N'êtes-vous donc pas des hommes ? Vivez-vous dans le seul instant, alors choisissez la charité. Et guérissez seulement le mal de chaque jour, non la révolution, qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Yannick accepte de tuer le grand-duc puisque sa mort peut avancer le temps où les enfants russes ne mourront plus de faim. Cela déjà n'est pas facile. Mais la mort des neveux du grand-duc n'empêchera aucun enfant de mourir de faim. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas de limites ! La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Oh. Non, vous n'y croyez pas. Si vous y croyez totalement, complètement... Si vous étiez sûr que, par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier, si vous ne doutiez pas qu'alors l'homme, libéré de ses maîtres et de ses préjugés, lèvera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de deux enfants ? Vous vous reconnaîtriez tous les droits, tous, vous m'entendez ? Et si cette mort vous arrête, c'est que vous n'êtes pas sûr d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution ! Faut-il tuer... le grand-duc qui incarne tout ce qui est contesté par la personne qui veut tuer ce grand-duc, lorsqu'on découvre que celui-ci, au moment où on veut commettre le meurtre, est accompagné de deux petits-enfants. Faut-il sacrifier ces deux enfants qui n'ont rien demandé au nom du projet révolutionnaire ? Vous l'avez entendu, l'une des réponses est oui, il n'y a pas de limite à la révolution et au projet révolutionnaire. Est-ce sur cette question des limites, Marilyn Maeso, que Camus introduit la distinction entre révolution et révolte, qui, elle, serait davantage du côté de la limite, donc de la mesure ? Je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué au sens où c'est normal parce que l'homme révolté nous y pousse quand même un petit peu. On a tendance à opposer révolte et révolution et en faire deux options distinctes. En réalité, c'est pas deux choses absolument distinctes. Il y a la révolte à l'origine de la révolution. Pour rappel, hein, c'est la structure même de l'homme révolté. Vous avez un premier chapitre qui est général et qui pose finalement un paradigme de la révolte. Et ensuite, vous avez ces incarnations concrètes dans l'histoire occidentale. Le premier chapitre, c'est la révolte métaphysique. Le deuxième, ensuite, c'est le deuxième chapitre, la révolte métaphysique. Le troisième, la révolte historique. Et le quatrième, la révolte artistique. Donc, la révolte historique, la révolution, si vous voulez, c'est un des avatars, c'est une des manifestations possibles et des dérives ou des trahisons possibles de l'esprit de la révolte. En réalité, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y aurait, comme c'est la caricature qu'en feront Sartre et Janson, la révolte qui est du côté du bien et la révolution qui est du côté du mal. C'est mal connaître Camus, c'est mal avoir lu une fois de plus hein, l'homme révolté, parce que dans l'homme révolté, il y a plusieurs révolutions qui sont évoquées. Il y a celle de 1917, effectivement, qui est critiquée pour les conclusions idéologiques qui en ont été tirées et donc les meurtres que ça a autorisés. Mais il y a aussi, par exemple, la révolte de 1905. Il y a la Révolution française, mais il y a l'esprit anarcho-syndicaliste qui est évoqué aussi. Il y a vraiment une prise de conscience chez Camus de la diversité des formes que peut prendre la Révolution. Et donc, ce qu'il faut distinguer, c'est la critique de la Révolution en tant que telle, de la critique de telle ou telle Révolution. Camus remarque une chose qui est vraie, à savoir qu'à son époque, il y a deux modèles de la Révolution. C'est la Révolution de 89 en France et c'est celle de 1917 en Russie. Et explique-t-il, ce sont deux révolutions qui ont débouché sur le meurtre de masse. Est-ce que ça veut dire qu'il est contre la révolution en soi? Non. Ce qui l'intéresse, c'est de comprendre à quel moment la révolution se détourne de l'esprit de révolte qui a présidé à sa naissance. C'est ça qui est au centre. Et quand on lit Les Justes, on comprend que l'enjeu est le même. De la même manière, hein, la caricature qu'on fait de l'homme révolté, on fait la même des Justes. On considère que Camus, il montre le méchant Stepan qui est le terroriste assoiffé de sang et sans limite, et puis le gentil pacifiste Kaliaïev. C'est pas du tout ça. Quand vous lisez Les Justes sans œillères qui déforme le propos, vous avez deux terroristes en fait. Hein. Kaliaïev, faut pas l'oublier, c'est un terroriste. À la fin, il jette la bombe. Donc c'est pas du tout violence contre non-violence. C'est justement la question de la violence réduite à son absolue nécessité contre la violence, si vous voulez, qui ne cesse de s'étendre parce que la fin justifie les moyens. Il y a une phrase, et on l'a entendu plusieurs fois dans l'extrait qui a été récité tout à l'heure, « Vous ne croyez pas en la révolution ». C'est très fort cette phrase, parce que c'est littéralement, ça montre qu'il y a une religion de la révolution dans le cœur de Stepan. Et ce qu'il explique aussi, et justement loin du manichéisme, c'est pas quelqu'un qui est méchant ou qui est fou ou qui est cynique face à quelqu'un qui serait le poète comme on l'appelle, Kaliaïev, et qui lui serait du côté du juste. Que dit Stepan est pas faux en fait. Hein. Quand Stepan dit tu as épargné ces deux enfants parce que tu ne veux pas tuer des enfants, mais ceux que tu n'as pas vus en fait, tous les enfants russes qui vont continuer à mourir parce que tu n'as pas jeté la bombe, est-ce que tu penses à eux? Ça, c'est un vrai dilemme, en fait. On peut pas esquiver en choisissant ses victimes, pourrait-on dire. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'une position où on a la bonne position d'un côté et la mauvaise de l'autre. En revanche, ce qui ressort de la lecture des Justes et qui effectivement définit, à mon sens, la position de Camus telle qu'on la trouve dans L'Homme révolté, c'est l'idée que la violence n'est pas le problème. Le problème, c'est le rapport abstrait, le rapport sans limite qu'on peut avoir à la violence. Le problème, c'est le jour où justement on ne la sent plus. Le jour où le fait même d'abattre des enfants, des chiens savants, vous voyez, des humanisations, abstractions, le jour où ça ne fait plus trembler en fait. Le jour où une équation suffit à résoudre le dilemme moral qui se pose à nous quand on voit des enfants et qu'on s'apprête à les abattre. La différence véritable entre Stepan et Kaliaïev, elle est là. Stepan, justement, a franchi le pas du côté de la violence confortable, puisqu'il se réfugie dans le raisonnement abstrait, dans la justification idéologique de la violence, pour justifier y compris la mort des enfants. Si vous écoutez ce qu'il dit, c'est pas simplement la mort des enfants, il dit tout ce qui est nécessaire en termes de violence. S'il faut tuer y compris des gens qui sont de notre côté parce qu'ils ne sont pas suffisamment soumis ou pas suffisamment de bons croyants vis-à-vis de la révolution, on le fera aussi. Et ça, vous voyez des échos contemporains de cette attitude aujourd'hui ? De l'attitude de Stepan ? Oui, alors, pas forcément du point de vue de l'idéologie révolutionnaire, parce que forcément, on apprend peut-être pas tout, mais on apprend quand même un petit peu. Le XXe siècle étant passé par là, il y a eu un certain nombre de remises en cause, y compris du côté des communistes. Hein. Je renvoie notamment au témoignage d'Edgar Morin, qui a fait son autocritique sur son adhésion au Parti communiste, qui a expliqué à quel point c'était une sorte de enfin, c'était impossible pour eux à l'époque de faire une autocritique parce que le Parti communiste, c'était communiste et la révolution comme objectif, c'était leur vie en fait, c'était renoncer à leur vie. Donc aujourd'hui, si on devait chercher l'équivalent dans justement la violence confortable, j'ai envie de dire que oui, elle existe et elle est un peu partout. On évoquait tout à l'heure ce qui se passe avec les réseaux sociaux. C'est pas propre aux réseaux sociaux. Vous regardez par exemple le modèle de débat qu'on donne dans un certain nombre d'émissions. On a des gens qui s'écharpent, qui s'insultent, qui ne s'écoutent pas les uns les autres, où on a des échanges par tribune interposée qui sont parfois extrêmement déshumanisantes. L'abstraction, si vous voulez, elle est un peu partout. Et j'ai envie de dire, là encore, le but c'est pas de juger, de condamner, de faire la morale. L'abstraction, elle est vitale aussi. On a besoin pour survivre de ne pas penser à chaque instant à l'ensemble des souffrances qui frappent l'humanité. Vous imaginez comment vous pourriez vivre si à chaque instant vous aviez en tête ce qui se passe au Yémen, la souffrance des enfants en Syrie, la souffrance des LGBT en Tchétchénie, la souffrance des Ouïghours en Chine. Je vais m'arrêter parce que vous allez tous vous mettre à pleurer. Enfin, rien qu'en en parlant, si vous voulez, j'ai la gorge qui se serre. on a besoin, pour des raisons vitales, de pouvoir faire abstraction de tout ça pour pouvoir simplement vivre, si vous voulez, sachant qu'on n'aiderait pas plus les gens en étant en permanence perclus de douleur vis-à-vis de... Alors, où est la limite? Où est la mesure? Comment est-ce qu'on trouve le degré d'abstraction nécessaire pour à la fois se protéger, en même temps se donner les moyens d'agir? En fait, il y a une différence entre l'abstraction comme réflexe de survie, justement, pour ne pas se faire du mal à soi-même, et l'abstraction comme outil politique et idéologique pour faire du mal à l'autre. La limite, elle est très nette, en fait. Elle est là. Lorsque l'abstraction est simplement pour vous une protection contre les malheurs du monde, contre ce qui vous empêcherait sans ça de vivre, elle est parfaitement légitime. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire ce qu'il a besoin de faire pour survivre, si vous voulez. En revanche, quand l'abstraction, elle vous amène à justifier la mise à mort d'innocents, lorsqu'elle vous amène, et c'est le cas aujourd'hui encore, hein, quand on entend certains commentaires de ce qui se passe, par exemple, je parlais des Ouïghours tout à l'heure, ouais. Personne qui explique que c'est exagéré ou que c'est un coup des Américains pour se venger de la Chine. On a eu le même discours pour la Syrie, hein, des discours complotistes sur c'était une mise en scène, ce qu'on a vu, les enfants qui s'asphyxient, une mise en scène politicienne pour fragiliser le gouvernement syrien. Là, vous êtes dans l'abstraction comme outil qui est utilisé dans le but, en fait, de ne pas avoir à regarder en face ce que vous êtes en train de justifier. C'est l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure pour Sartre, en fait. Quand vous utilisez les catégories oppresseurs, opprimés, et qu'à partir de là, vous en tirez une équation qui justifie soit la déshumanisation, soit carrément le meurtre, vous avez dépassé la limite. Oui, mais c'est toujours la même chose que l'on rétorque dans ces cas-là, c'est de dire que l'oppression à laquelle dont je me rends responsable n'est qu'à la mesure de celle que je subis. Qu'au fond, le mal que je m'apprête à commettre est à la mesure et de même ampleur que celui que je subis quotidiennement. Le problème, c'est que effectivement, on peut raisonner comme ça, mais à partir de là, on n'est plus dans l'esprit de la révolte. Ce que dit Camus, si vous vous révoltez parce que justement vous estimez que votre dignité est niée, la seule révolte qui soit fidèle à elle-même consiste justement à vouloir supprimer ce qui nie l'humanité, autrement dit la domination. Si vous, votre logique, ça vient ni plus ni moins qu'à inverser les rôles, on me domine, donc je vais prendre la place du dominant, je fais une révolution au nom du peuple, mais je fabrique une dictature totalitaire. Vous êtes littéralement dans la négation de votre projet explicite de départ, et vous êtes même, j'ai envie de dire, dans l'hypocrisie. Ce que vous démontrez en faisant ça, c'est que votre problème, c'est moins la domination en tant que telle, la déshumanisation en tant que telle, que la déshumanisation quand elle s'applique à vous. Je veux dire, la déshumanisation, quand elle ne vous gêne que lorsqu'elle s'applique à vous ou à vos amis, c'est que votre problème, c'est pas la déshumanisation, votre problème, c'est votre propre personne. Oui, mais ça arrive souvent. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'homme idéal qui est postulé par Camus, celui qui serait capable de se battre pour d'autres causes que les siennes, de prendre en compte autrui et la communauté avant de se prendre en compte lui-même? J'ai envie de dire que, pour moi, le dernier reproche qu'on peut faire à Camus, c'est d'être un idéaliste, parce qu'une fois de plus... Il détestait en plus l'idéalisme. Voilà, mais ce qu'il écrit dans L'Homme révolté, c'est pas un truc qui lui est arrivé dans la tête un matin en prenant son café. Il a vécu la résistance. Quand je vois Sartre et Janson qui lui font la leçon là-dessus, qui le traitent de belle âme, Camus a la meilleure réponse de ce point de vue-là, et quand il dit qu'il en a marre de se voir expliquer l'engagement historique de la part de gens qui n'ont jamais mis que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Ce qu'il veut dire par là, il le dit de manière un peu forte, mais à mon sens légitime, c'est que ce qu'il écrit, il l'a vécu. Il n'est pas en train de faire la leçon aux autres depuis sa chair idéologique ou depuis sa chair philosophique. Il explique qu'il a vécu une expérience et qu'il en a tiré un certain nombre d'enseignements. Donc non, on n'est pas du tout dans l'idéalisme. Ce que la résistance a démontré et ce que nous-mêmes, en fait, on a pu vivre, par exemple, au moment d'un attentat, au moment où on a la nation entière qui s'unit contre un fléau qui s'abat sur une communauté. Par exemple, quand on a de plus en plus, et c'est une bonne chose, des personnes qui soulignent que parler en priorité de la détresse de la communauté juive quand une personne juive est assassinée parce que juive en France, c'est un problème, parce que ça sous-entend que finalement, quand un juif est tué en tant que juif, c'est le problème des juifs, si vous voulez. Alors que non, le principe même d'un crime contre l'humanité, c'est que c'est l'humanité qui est niée, et pas simplement le juif en tant que juif. Ça montre en fait qu'il y a une multiplicité d'exemples dans l'histoire, y compris au présent, qui démontre la capacité des individus à aller au-delà de soi et à comprendre que ce qu'il y a de plus sacré en eux, c'est justement ce qui les unit avec les autres et pas ce qui les sépare. Donc non, je trouve pas du tout ça idéaliste. Il est 10h43 sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il n'est pas encore midi, mais on va y aller vers cette pensée de midi, puisque c'est le nom de la cinquième partie de L'Homme révolté. Et je vous propose qu'on écoute un texte qui est un des textes les plus beaux, d'Albert Camus. Enfin, là, c'est moi qui parle, hein, mais c'est un texte qui m'émeut à chaque fois que je l'entends et que je le lis. Il s'agit de mesure et démesure. Et dans ce texte, Camus va expliquer pourquoi le sens même de la mesure, qui est si important pour lui pour garder le cap, justement, d'être dans une sorte de justesse, dans l'engagement à la fois politique et dans son rôle d'écrivain, est si inconfortable. Vous parlez de la violence confortable. Pourquoi la mesure est-elle si inconfortable? Voici donc un extrait de La Pensée de Midi, sous le soleil de Lourmarin, le texte est lu par Bernard Gabet. La vraie maîtrise consiste à faire justice des préjugés du temps. Et d'abord du plus profond et du plus malheureux d'entre eux, qui veut que l'homme délivré de la démesure en soit réduit à une sagesse pauvre. En 1950, la démesure est un confort, toujours, et une carrière, parfois. La mesure, au contraire, est une pure tension. Elle sourit, sans doute, et nos convulsionnaires, voués à de laborieuses apocalypses, l'en méprisent. La mesure n'est pas le contraire de la révolte. C'est la révolte qui est la mesure, qui l'ordonne, la défend et la recrée à travers l'histoire et ses désordres. L'origine même de cette valeur nous garantit qu'elle ne peut être que déchirée. La mesure, née de la révolte, ne peut se vivre que par la révolte. Elle est un conflit constant, perpétuellement suscité et maîtrisé par l'intelligence. Quoi que nous fassions, la démesure gardera toujours sa place dans le cœur de l'homme, à l'endroit de la solitude. Nous portons tous en nous nos bagnes, nos crimes et nos ravages, mais notre tâche n'est pas de les déchaîner à travers le monde. Elle est de les combattre en nous-mêmes et dans les autres. La révolte, aujourd'hui encore, est au principe de ce combat. Mère des formes, source de vraie vie, elle nous tient toujours debout dans le mouvement informe et furieux de l'histoire. Et les chapeaux ont été distribués hein, au public de Lourmarin pour les protéger de ce soleil cuisant. Nous avons les parasols, Marilyn Maezo, et la journée ne fait que commencer. Pourquoi donc, et j'avoue que le contexte ici est en accord parfait avec le contenu, avec le texte même de l'homme révolté, pourquoi cette cinquième partie s'appelle la pensée de midi? Comment il faut comprendre ce midi? Alors, la pensée de midi, c'est une allusion au fait qu'à midi, le soleil en fait se positionne au centre, pour ainsi dire, du ciel. La pensée de midi, c'est une pensée de la mesure, et la pensée de la mesure, c'est une pensée de la tension. Voilà, pour résumer ce que Camus... De la tension. D'ailleurs, c'est pas pour faire un jeu de mots, il y a un lien entre les deux, en fait. Hein. On le verra dans quelques instants. Mm-hmm. De tous les chapitres de L'Homme révolté, paradoxalement, peut-être, celui-là est le plus mal compris, puisque, y compris chez les gens qui ont apprécié globalement l'essai, il y a eu des critiques qui consistent à dire que c'était une espèce d'élan mystique sur le soleil de type hasard, comme disait Janson, et que ouais. Ça, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, on savait pas trop ce que ça faisait là. En fait, l'homme révolté sans la pensée de midi, si vous voulez, c'est invivable. C'est irrespirable à l'issue du quatrième chapitre. On a besoin de ce nouveau moment, de ce dépassement. La pensée de midi, et la mesure qui la traduit, c'est l'idée que, comme le dit Camus dans l'extrait qui vient d'être lu, et contrairement à ce qu'on croit à son époque, la vraie maîtrise et la vraie difficulté, la véritable exigence, ça n'est pas la démesure à laquelle on associe la révolte originairement, mais au contraire la mesure. Et ça, c'est très intuitif, en fait. Quand vous êtes en colère, votre premier réflexe, c'est de vous déchaîner. Quand vraiment vous êtes en colère, vous devez vous contenir. Et si vous le faisiez pas, ça vous ferait du bien, en fait. Quand vous vous lâchez, comme on dit, quand vous tapez sur un punching ball, que vous mettez à crier dans un coussin, ça vous fait du bien parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la démesure. Donc la démesure, c'est la pente spontanée, en fait, de chacun d'entre nous. Au contraire, la mesure, c'est-à-dire la capacité à maintenir la tension entre les extrêmes, ça, c'est la véritable exigence, ça, c'est le véritable défi. Et c'est donc aux antipodes de l'image, par exemple, que Sartre ou Janson en donneront, à savoir celle de la tiédeur, parce que la tiédeur, c'est aussi confortable, en fait, que la démesure. La mesure, c'est une sorte de d'épine que vous avez en permanence sur le pied, comme dans une malédiction grecque, et que vous ne pourriez jamais retirer, et qu'il ne faut pas vouloir retirer. Ça implique plusieurs choses. La première chose, c'est lorsqu'on parle de mesure entre les extrêmes. Concrètement, lorsqu'on parle de la violence, il y a deux extrêmes. La non-violence aveugle, qui du coup justifie la violence ne serait-ce que par complicité. Vous laissez la violence se faire et des innocents mourir pour ne pas vous salir les mains. L'autre extrême, c'est la violence aveugle du cynisme politique qui considère que la fin justifie les moyens. Mmh. La tension entre les deux, c'est considérer que quand la violence est absolument nécessaire, elle est inévitable, il faut y recourir, mais jamais de manière confortable, c'est-à-dire jamais en se trouvant des excuses qui permettent de ne pas garder en tête ce qu'on est en train de faire, si vous voulez. La fameuse violence inconfortable que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est ça. On ne devrait jamais se sentir dans le confort quand on est sur le point de tuer quelqu'un. Voilà ce que veut dire Camus. Et donc, la pensée de Midi et l'exemple héraclitéen qu'il prend, l'exemple de l'arc tendu entre les extrêmes, c'est finalement la solution imparfaite, mais néanmoins nécessaire qu'il trouve au dilemme qui se pose aux révoltés. Et je me permets de citer ce texte-là parce qu'il est moins connu, mais il est tout aussi puissant et essentiel. C'est déjà la solution que Camus énonçait en 1945, même s'il les a écrites un petit peu avant pour les premières, en 44, dans ses lettres à un ami allemand. Encore une fois, on parlait d'idéalisme tout à l'heure. Camus, ce qu'il met en scène dans les lettres à un ami allemand, c'est le dilemme du résistant qui est en train de parler aux nazis et qui dit « Vous êtes sur le point de semer la mort chez nous, donc on est obligé de vous arrêter. Je me rends compte que je vais être obligé, moi qui déteste la violence, qui déteste le meurtre, d'y avoir recours. Comment je fais ça sans finalement m'abaisser à votre niveau, sans devenir moi-même un meurtrier cynique ?» Et la réflexion qu'il a dans les lettres à un ami allemand et qui sera ensuite théorisée dans l'homme révolté, c'est justement de dire que la nuance, hein, nous luttons pour des nuances, dit-il dans les lettres à un ami allemand, des nuances qui ont l'importance de l'homme même, la nuance qui différencie de manière absolue le nazi du résistant, c'est que dans le cas du résistant, il y a toujours cette tension qui est maintenu, il n'y a jamais le lâcher-prise, si vous voulez, qui conduit à la violence aveugle, parce que chaque vie qu'on prend, si vous voulez, compte. Chaque coup que vous tirez résonne dans votre tête, vous hante ensuite. Pour faire le lien avec les justes qu'on a évoqués tout à l'heure, Kaliaïev, lorsqu'il demande ensuite à monter sur l'échafaud et refuse qu'on essaye de le sauver ou de sauver son âme via la religion, c'est parce qu'il a le sentiment qu'il a pris une vie et que ça ne peut pas ne rien vouloir dire. Alors bien sûr, il se trompe en voulant donner sa vie pour remplacer la vie qu'il a prise, parce que la vie humaine n'est pas une question d'arithmétique, et au contraire, quand on traduit ça en termes d'arithmétique, généralement, ça débouche sur le pire. Mais en tout cas, il est dans le juste, il me semble, sans mauvais jeu de mots, lorsqu'il dit par là qu'il s'est passé quelque chose et qu'il n'y a aucune excuse à ça, et qu'il n'a pas envie de trouver une excuse. Et la nuance, pour moi, elle est là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un côté stoïcien chez Camus? Ce sens de la mesure, c'est ça, dans une sorte, on a envie de dire, une sorte de contrôle, de retenue de soi? Il y a évidemment une veine stoïcienne chez Camus, et ce depuis très longtemps, puisque, bon, pour rappel, Camus est atteint de la tuberculose depuis ses 17 ans, il a lu les stoïciens à cette occasion, et il ne les a jamais quittés. Ce qu'il trouve chez les stoïciens, effectivement... C'est juste un âne qui braille. C'est un âne qui intervient, qui fait une objection. Quand on parle du stoïcisme, ça arrive parfois. Voilà, tout à fait. Ce que le stoïcisme en fait apporte à Camus, notamment la lecture de Sénèque ou d'Épictète, c'est la conscience que le monde justement n'est pas fait à notre mesure ni à notre n'est pas à notre disposition, et que donc il faut savoir distinguer ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous, et que dans ce qui dépend de nous, si vous voulez, à savoir la raison ou la volonté étant un terme qui parlera beaucoup plus à Camus, il y a quelque chose qui implique un effort permanent. C'est ça, je pense, qu'on retrouve le plus chez Camus. Vous lisez les entretiens d'Épictète, vous trouvez la métaphore du sportif de haut niveau. Épictète vous dit, le stoïcien, c'est pas quelqu'un qui un jour dit « c'est bon, j'ai trouvé ce qui dépendait de moi et je suis devenu stoïcien, je suis un sage et maintenant je suis dans l'ataraxie ». Non, le stoïcien, c'est un sportif de haut niveau, ça veut dire qu'il est en permanence dans l'entraînement, en permanence dans une éthique, si vous voulez, de la persévérance, parce que à l'instant où vous arrêtez de courir, en fait, vous vous relâchez et votre volonté perd de sa tension, pour reprendre le terme camusien. Et c'est exactement le sens du dernier chapitre de l'homme révolté, de la pensée de Midi, à savoir l'idée que puisqu'il n'y a pas de révolution définitive, il n'y a pas non plus de révolte définitive, et comme le dit Camus, la révolte ne mourra qu'avec le dernier homme. Donc Camus serait un stoïcien, mais un stoïcien, disons, qui a un côté jouisseur, un stoïcien qui aime le soleil. Pourquoi ne pardonne-t-on pas à Camus d'aimer tant le soleil? C'est quand même ce qui revient tout le temps. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui le renvoient de manière un peu méprisante à ses premiers textes, actes de jeunesse. Excusez-moi, mais j'aurais adoré écrire Noce et vers l'endroit à 20 ans, parce que c'est tellement... C'est l'âge qu'il a quand il écrit Noce. C'est ça, c'est magnifique, et il a 20 ans, moi, 20 ans, si j'arrivais à faire un blog, voilà, donc faut quand même remettre les choses en contexte. Non, je pense qu'on lui reproche ça, parce que justement, chez beaucoup de gens, et rien n'est n'est plus faux. C'est synonyme d'insouciance, en fait. C'est quelqu'un, on le soleil, que, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu, enfin qui pense au soleil, à la Méditerranée, aux oiseaux qui chantent, et du coup, forcément, l'histoire et ses horreurs, c'est pas pour lui, pour petite chose fragile. Faut quand même rappeler que Camus, il a grandi dans la misère, que quand il célèbre, au moment où il célèbre la beauté de l'Algérie, il vit dans un contexte socio-économique extrêmement pauvre. Donc, il n'a pas eu la Dolce Vita, comme on peut l'imaginer quand on lit Noce et ses textes sur les paysages de l'Algérie. En revanche, ce qu'il dit, c'est que on ne peut pas vivre sans beauté. De la même manière que la révolte ne peut pas se passer d'un étrange amour, il dit de la même manière qu'il n'y a pas de non sans oui. Il ne peut pas y avoir, pour l'artiste engagé, de vie sans beauté. L'artiste qui s'engage et qui du coup met les mains dans la noirceur du monde, mais qui oublie la célébration de la beauté, se perd lui-même en fait. Mmh. Donc c'est pas du tout en contradiction. Il n'y a pas d'un côté l'artiste qui serait une sorte de, j'ai envie de dire, de martyr qui donnerait tout à la cause jusqu'à oublier sa propre vocation, puis de l'autre l'artiste égoïste qui célébrerait l'art pour l'art ou le beau pour le beau et qui oublierait le reste. Au contraire, explique Camus, dans la célébration de la beauté, l'attachement à la terre, comme il dit dans la pensée de midi et à la beauté, il y a l'énergie et la raison nécessaire à la révolte. On ne peut pas se révolter sans bonne raison de se révolter, et il n'y a pas de meilleure raison de se révolter que la beauté. Ce qui en dit long sur l'idée que nous autres Français, nous faisons des intellectuels, hein, et que ceux-ci ne devraient pas aimer trop le soleil ni la beauté. C'est pas comme ça qu'on avancera. Mais c'est très ouais. Conscient quand même de se dire que ouais. Pour être quelqu'un de moral, il faut souffrir. Mmh. Et que quand le bonheur se s'immisce dans la morale, finalement, il la corrompt. C'est totalement contradictoire, à mon sens, avec la pensée de Camus. Et j'ai plutôt tendance à donner raison à Camus sur ce point-là. Vive Camus et vive le soleil, donc, puisque c'est souvent la même chose. Merci infiniment, Marlene Maezo, d'être venue ce matin à Lourmarin nous parler de l'homme révolté de Camus. Merci au public. Merci. Restez nombreux. Et qui va rester toute la journée, puisque le programme continue sur France Culture. Hein, vous retrouverez la grande table d'Olivia Gesbert, notamment à midi. On va se quitter, d'ailleurs, ce sera une sorte de teaser aussi. On va se quitter avec Abdel Malik, qui sera là samedi soir, hein, figurez-vous. Vous pourrez l'écouter, justement, qui a mis en scène le spectacle Les Justes et qui en a proposé aussi une version chantée. Écoutez. Oui, mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerais. Devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Et si un jour, moi, vivant la révolution, devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Et donc, vous l'aurez compris, lisez L'homme révolté de Camus. On le trouve, ses pratiques, par exemple, en Folio SF. Un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle avec Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, grâce à qui nous avons été protégés du soleil ce matin, Laurence Malonda qui était la réalisation aujourd'hui à l'intérieur du château de Lourmarin, nous on était à l'extérieur, Bernard Gabel à lecture des textes. Merci à toute l'équipe de l'Estival, Albert Camus, Catherine Camus, Elisabeth Maison-Dieu Camus, Édouard, Alexandre et toute l'équipe technique, les rencontres méditerranéennes, Albert Camus et tous les bénévoles mobilisés sur l'Estival. Merci à l'équipe de France Culture Sandrine Trainer, Laurence Audras, Virginie Noël, Jean-Marc Clos, Yvan Charby, Thibaut Nassamben, Antoine Viossa, Francesca Fostati, Franck Malabry, mais oui, tout ce monde qui est là pour faire en sorte que ces émissions aient lieu. Vous pouvez les applaudir également. Merci à eux, d'un côté comme de l'autre. L'estival Albert Camus continue, hein, donc à midi, ce sera la grande tête d'Olivia Gesbert. Il y aura Catherine Camus, la fille de l'écrivain Albert Camus et gestionnaire de son œuvre, qui sera là, ainsi qu'Alice Kaplan, écrivaine, historienne et professeure de littérature française à Yale University. À 20h ce soir, on vous proposera une lecture Sartre-Camus avec André Marcon et Pascal Rénéric. Demain, samedi, il y aura des dictées géantes. 20h, l'art et la révolte, la lecture musicale d'Abel Malik. Bref, tout le programme est sur franceculture.fr. Les entrées sont libres, sur réservation. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Vous pourrez redécouvrir les émissions consacrées au pianiste Keith Jarrett. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture. Demain, je vous l'annonce, ce sera un autre jour à démarrer avec les matins de France Culture. Informer, réagir, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Avec nos journalistes, des penseurs et des artistes, alors je vous attends dès 7h. Les matins de France Culture, dès 7h et sur franceculture.fr.